إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui la lecture de quelques versets du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté le récit de Moussa alayhi salam. Nous avons vu hier qu'après avoir passé la période convenue au service du père de son épouse, Moussa alayhi salam décida de retourner en Égypte, car il voulait retrouver sa famille, revoir sa mère et ses proches, ainsi de suite. Il prit donc la route pour l'Égypte avec sa famille, et c'est sur la route qu'Allah subhanahu wa ta'ala le choisit pour lui accorder la prophétie et le message. Et Allah subhanahu wa ta'ala le favorisa en lui parlant de vive voix. Alors qu'il était sur le chemin de l'Égypte, lui et sa famille perdirent leur chemin, et ils faisaient face à un grand froid car c'était en hiver. C'est alors que Moussa alayhi salam vit un feu et décida de s'en approcher. Il dit à sa famille « Umkuthu, inni anastu nara, la'alli atikum minha biqabasin, ou ajidu ala nari huda. » Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille « Restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, afin que vous puissiez vous réchauffer. Ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra m'indiquer le bon chemin à prendre. » Il cherchait donc de la lumière et du feu pour se réchauffer. Il cherchait qu'on lui indique le chemin à prendre, mais il trouva mieux que cela. Il trouva la lumière de la révélation et l'orientation vers le droit chemin qui mène au paradis. Il obtint donc, une fois de plus, une grâce d'autant plus immense à laquelle il ne s'attendait pas. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue les bienfaisants. « Falamma ataha nudiya ya Moussa » Puis lorsqu'il arriva auprès du feu, il fut interpellé « Oh Moussa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi al-muqaddas tuwa. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée de toi. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Certes, c'est moi Allah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. On voit ici que la première révélation faite à Moussa alayhi salam fut l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne lui donner aucun associé dans l'adoration. C'est-à-dire que toutes les adorations, la prière, l'aumône, l'invocation, la prosternation, l'inclination, toutes ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en dehors de tout autre que lui. Et comme on l'a vu lors de précédents récits, ceci est le message de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam. Et ceci nous montre une fois de plus l'importance de cet ordre et que l'on ne doit en aucun cas le négliger. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui fit voir deux prodiges. Moussa tenait dans sa main droite un bâton sur lequel il s'appuyait et duquel il se servait pour faire tomber les feuilles des arbres afin que ses moutons puissent les manger. Allah lui ordonna donc de jeter ce bâton et celui-ci se transforma en un serpent qui rampait. Puis il lui ordonna de le ramasser sans crainte car il reprendrait sa forme initiale. Ensuite, il lui ordonna de mettre sa main sous son aisselle et lui dit que celle-ci en sortirait blanche, c'est-à-dire blanche étincelante de lumière. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que ceci était deux preuves de son Seigneur pour Pharaon et ses notables. Mais Moussa alayhi salam craignait que Pharaon n'accepte pas de lui le message. Pour deux raisons. La première est qu'il avait tué un des leurs, comme on le sait. Il craignait donc que Pharaon et ses notables le tuent, avant même qu'il ne puisse leur transmettre le message. Et la deuxième est qu'il avait des difficultés à prononcer, lorsqu'il parlait de sorte à ne pas être compris. Il demanda donc à Allah subhanahu wa ta'ala de dénouer le nœud de sa langue et d'associer à sa mission son frère Haroun, qui était plus éloquent que lui. Allah subhanahu wa ta'ala accepta donc de le fortifier par son frère et de lui donner des arguments irréfutables. Puis il lui promit que lui et son frère, ainsi que ceux qui les suivront, seront les vainqueurs. Et on va méditer à ce sujet, inshallah ta'ala, sur quelques versets de Surat Taha à partir du verset 42. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celui-ci: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, avec mes signes, et ne négligez pas mon rappel. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de partir pour appeler Pharaon, et il leur ordonne aussi d'être persévérants dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le rappel d'Allah est un des plus grands moyens pour obtenir l'aide et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos affaires. Et avec l'aide d'Allah, ce qui peut paraître compliqué et difficile pour toi, cela devient simple et facile, bi'inillahi ta'ala. Donc le croyant ne doit pas négliger le rappel d'Allah, en toute situation. Il dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, « Idhaba ila fir'auna innahu tagha. » Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. En effet, il prétendait être le Seigneur, et il prétendait avoir le droit à l'adoration. C'est donc là la pire des transgressions que de disputer à Allah subhanahu wa ta'ala son unicité dans l'adoration et la seigneurie. Malgré cela, malgré cette grave transgression, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ne soyez pas dur avec lui, ni dans vos propos, ni dans vos agissements, mais faites preuve de douceur et soyez aimable, car ceci pourrait être une cause pour qu'il accepte de votre part la vérité. En effet, faire preuve de dureté dans les paroles ou les agissements, ceci peut être une cause pour repousser les gens de la vérité et les faire fuir. Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de les aborder avec douceur et gentillesse et faire preuve d'amabilité dans notre discours et dans nos gestes et dans nos paroles et dans nos actes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans ce verset. Suite à cela, Moussa et Harun dirent: Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatagha. Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites, c'est-à-dire qu'il craignait qu'il les maltraite avant qu'il puisse établir sur lui la preuve et lui présenter la vérité, ou qu'il dépasse les limites dans son rejet de la vérité et sa tyrannie. Et ceci est une crainte légitime au vu de toutes les transgressions dont avait fait preuve Pharaon auparavant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur dit suite à cela: قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. N'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Je suis avec vous, c'est-à-dire je vous soutiens, je vous protège. Vous êtes donc sous ma protection. J'entends vos paroles et je vois ce que vous faites en toute situation. Vous n'avez donc aucune crainte et aucune peur à avoir. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonna donc de se rendre auprès de Pharaon et de lui dire qu'ils étaient des messagers de la part d'Allah et que Pharaon devait cesser de châtier les enfants d'Israël et les envoyer avec eux. Et lui dire: Inna qad uhiya ilayna an al-'adhab 'ala man kadhaba wa tawalla. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. C'est-à-dire qu'Allah nous a révélé que celui qui refuse d'avoir la foi, il sera châtié. Ils essayent ainsi d'encourager Pharaon à la foi et lui faire craindre les conséquences de la mécréance. Mais ceci ne lui fut pas profitable, car il s'obstina dans sa mécréance. Et après qu'ils eurent discuté avec lui, et que Moussa alayhi salam lui ait montré ses deux prodiges, Pharaon dit alors: Ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Moussa. Es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Il prétendit que ces prodiges qu'il venait de voir, le bâton qui se transforme en serpent, et la main de Moussa qui devient blanche étincelante de lumière, il prétendit que cela relevait de la magie ou de la sorcellerie. Mais craignant tout de même que les gens de son peuple voient en cela une preuve de la véracité de Moussa alayhi salam, il tenta de les détourner de son suivi et les prit par les sentiments, en insinuant que Moussa alayhi salam voulait par cela les faire sortir de leur terre et prendre le dessus sur eux. Exactement comme le font les gens du faux et de la mécréance jusqu'à aujourd'hui, qui font tout pour donner une mauvaise image des croyants. Ils disent à leur peuple, ceux-là veulent vous contrôler, ils veulent islamiser votre pays, ils veulent vous faire perdre vos valeurs, vous faire perdre votre culture. Tout ceci afin d'effrayer les gens. Car, par nature, les gens sont attachés à leur culture, ils sont attachés à leur pays. Donc ils les prennent par les sentiments. Et tout ceci ne fait que démontrer qu'ils sont bel et bien sur le faux et l'égarement. Car ils n'ont aucun argument à présenter pour faire face à la vérité de l'islam, qui triomphera qu'il le veuille ou non. Pharaon dit ensuite, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons dans un lieu convenable. Moussa alayhi salam répondit alors, Mawa'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nas duha. Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête. Ils avaient une fête durant laquelle ils se rassemblaient tous. Et que les gens se rassemblent dans la matinée. On voit ici que Moussa alayhi salam demanda à ce que le rendez-vous soit fixé le jour de leur fête, le jour de leur grand rassemblement, afin que l'ensemble des gens soient présents pour découvrir la vérité au grand jour. Et il demanda à ce que ce rendez-vous ait lieu dans la matinée, non pas dans l'obscurité de la nuit, où il se peut qu'une chose leur échappe, mais qu'ils voient de leurs yeux, sous la lumière du soleil, de la matinée, que Moussa est venu avec la vérité et que la sorcellerie n'est que fausseté. Il voulut donc que les gens découvrent la vérité au grand jour et voient la fausseté de la sorcellerie de manière claire et manifeste. Et c'est ainsi que sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ainsi que leurs suiveurs. Leur affaire est claire et manifeste. Elle ne comporte rien de caché, pas de secret ou de choses qui ne peuvent être révélées au grand jour. Mais les gens de la vérité ont un message qui est clair. C'est donc ainsi que doivent se comporter les gens qui suivent la voie des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam, en tout endroit et en toute époque. Car la clarté fait partie des signes des gens de la vérité. Quant à ceux qui prétendent être sur la vérité, mais que la vérité ne peut être transmise qu'à un groupe de gens en dehors d'autres, ou que la vérité ne peut être transmise qu'en un lieu particulier, et qu'elle ne peut pas être proclamée au grand jour, alors ceci démontre en réalité qu'ils sont sur le faux, et qu'ils sont sur l'égarement. Car s'ils étaient sur la vérité, ils l'auraient proclamée au grand jour. Une fois Moussa alayhi salam, réuni face à Pharaon et ses magiciens, ces derniers lui dirent, Ya Moussa, Imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ô Moussa, où tu jettes le premier ton bâton, où nous sommes les premiers à jeter. Moussa alayhi salam leur dit alors, Bal alqu, jetez plutôt. Fa idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. C'est-à-dire que leurs cordes et leurs bâtons, il paraissait aux yeux des gens qu'ils rampaient comme des serpents. Mais ceci n'était pas réel. Ils ont simplement ensorcelé les yeux des gens, comme on le trouve dans un autre verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Moussa alayhi salam ressentit suite à cela quelque peur en lui-même, c'est-à-dire une peur naturelle, une peur que peut ressentir tout homme en voyant cela. Mais ceci n'empêche pas qu'il avait en lui la certitude que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité et qu'il aurait donc la victoire sur les sorciers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit sur cela et lui dit « La takhaf, innaka antal a'la. N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. « Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, jette ton bâton, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. » Innama sana'u kaidu sahir, wa la yuflihu sahiru haythu ata. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, c'est-à-dire ce n'est pas réel, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. C'est-à-dire que le magicien, malgré sa ruse et sa tromperie, il ne peut pas réussir. Ceux qui essayent de mélanger le faux à la vérité, ils ne peuvent en aucun cas réussir, car leur tromperie finit tôt ou tard par paraître au grand jour. Moussa alayhi salam jeta donc son bâton, et son bâton dévora toutes les cordes et les bâtons qu'ils avaient jetés. Et les gens observaient cela. Les sorciers surent donc avec certitude que le prodige de Moussa ne pouvait en aucun cas relever de la magie ou de la sorcellerie, et que ceci ne pouvait provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont donc empressés vers la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Les magiciens se jetèrent prosternés en disant: nous avons foi en le Seigneur de Haroun et de Moussa. La vérité est donc apparue au grand jour, devant tout le monde, lors de ce grand rassemblement. Les gens virent de leurs yeux la véracité de Moussa alayhi salam et la fausseté de la magie et la sorcellerie. Mais voyant cela, Pharaon ne trouva aucun autre argument que les menaces et la tyrannie. Il leur dit donc: Amantum lahu qabla an adana lakum. Avez-vous cru en lui avant que je vous y autorise? Comme s'ils avaient besoin de son autorisation pour croire et avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, il les accusa d'avoir comploté contre lui et dit: Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Une fois de plus, il essaye de ternir l'image de Moussa alayhi salam et faire croire à un complot face à la vérité qui venait d'apparaître au grand jour aux yeux de tous. Puis il leur adressa des menaces. Il dit donc: فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Il les menaça ainsi, en prétendant, wal'iyadhu billah, être plus fort en châtiment qu'Allah. Mais ceci est une menace qui ne peut en aucun cas effrayer un croyant. Cette menace ne peut effrayer qu'une personne insensée, une personne dont le cœur est privé de la lumière de la foi. Tandis que celui qui a la foi, en aucun cas il ne se laisse impressionner par ce genre de menace. Car il sait avec certitude que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et plus durable. Les sorciers lui répondirent donc: لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا. Par celui qui nous a créés, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Ainsi est la réalité de la foi. Une fois que la personne a vu les preuves évidentes de la vérité, et que la foi s'est installée dans son cœur, nul ne peut l'en détourner. Ils lui dirent donc: décrète donc ce que tu as décrété. Accomplis sur nous tes menaces. Fais ce que tu as à faire. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Allahu Akbar. Tes décrets, ils ne touchent que la vie de ce bas monde. Ils avaient la certitude de cela, que quoi qu'ils fassent, quelles que soient les sanctions, les tortures ou les châtiments qu'ils leur infligent, ceci ne serait que temporaire. Et qu'après cela, il y a une vie éternelle qu'il les attendait. Et le croyant doit avoir la certitude de cela. Aussi dures soient les épreuves, aussi injustes soit un tyran ou un gouvernement, ses décrets et ses décisions ne peuvent concerner que la vie présente. Et ce qu'il peut faire subir aux croyants n'est que temporaire. Et ceux qui ont la foi espèrent meilleur que cela. Ils espèrent ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les sorciers ont dit: Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la sorcellerie et la magie à laquelle tu nous as contraints. Wallahu khayrun wa abqa. Et Allah est meilleur et plus durable. Ils réfutèrent donc sa prétention et lui rappelèrent que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure que ce dont il les menaçait, et que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bien et comme récompense est beaucoup plus durable, car c'est éternel, que ce châtiment qu'il menace de leur infliger qui lui n'est que temporaire. Ils restèrent donc fermes sur la vérité, et nous avons eux un exemple de fermeté. Quelles que soient les difficultés auxquelles les croyants peuvent faire face, ils doivent rester fermes sur leur religion et ne rien en délaisser. Suite à cette victoire éclatante et d'autres nombreux événements, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam de quitter la terre de Pharaon, et c'est ce que nous verrons peut-être lors de notre prochaine rencontre, Inch'Allah ta'ala. On tire de cette partie du récit de nombreux enseignements. Premièrement, parmi les enseignements importants qu'il y a dans celui-ci et qui est lié à la croyance, il y a l'affirmation de plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut de la parole, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa de vive voix. L'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Il leur a dit, je suis avec vous, j'entends et je vois. Il fait donc partie de la croyance des gens de la sunna d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont mentionnés dans les textes. Sans négation, sans renier cela, sans interprétation, sans leur donner un sens autre que leur sens apparent, sans assimilation, en ayant la certitude que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont différents des attributs des serviteurs. Rien n'est semblable à lui. Wa huwa as-sami' al-basir. Il est celui qui entend et qui voit. Et également sans chercher le comment. Car Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ses attributs pour lui-même, mais ne nous a pas informé du comment. Nous devons donc avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, sans chercher le comment. Car il ne nous a pas informé à ce sujet, et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'ont pas interrogé à ce sujet. Donc, nous nous suffisons de ce qui leur a suffi, et nous affirmons ces attributs selon leur sens apparent, sans les détourner de leur sens, et d'une manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur. Le deuxième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est une fois de plus l'importance du tawhid, l'importance de l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le premier ordre qui fut adressé à Moussa alayhi salam, et qui, comme on l'a vu dans des cours précédents, est l'appel de tous les messagers. C'est donc par cela que toute personne souhaitant appeler à cette noble religion doit commencer. Et c'est par cela que tout croyant doit commencer dans son instruction religieuse, apprendre la science du tawhid. Apprendre comment vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre quelles sont les différentes formes de shirk afin de pouvoir s'en éloigner sans préserver. Le troisième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est l'importance de la prière, qui également fut ordonnée à Moussa alayhi salam. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. Et la prière est un des meilleurs moyens de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même l'un des plus nobles objectifs de cette adoration immense. On voit ici qu'il lui a dit « Accomplis la prière pour te rappeler de moi. » Donc toutes les adorations que tu accomplis font partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur objectif est que tu te rappelles de ton Seigneur, et plus particulièrement la prière. Car il y a dans celle-ci le takbir, lorsque tu dis « Allahu Akbar », ceci est une formule de rappel d'Allah. Il y a également la lecture du Coran qui est le meilleur rappel d'Allah. Il y a également le tasbih dans ton inclination, dans ta prosternation. Et il y a également l'invocation, les invocations que tu multiplies lors de ta prosternation, également après le tashahhud, avant les salutations. Donc tout ceci sont des formes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les plus nobles. Et si le rappel d'Allah est un des plus nobles objectifs de la prière, ceci nous indique l'importance de la présence du cœur lors de cette prière. De prier d'un cœur présent, pas d'un cœur distrait, comme beaucoup d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, prient sans réfléchir à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Et ceci est une erreur. L'un des principaux objectifs de ta prière est que tu te rappelles d'Allah. Donc pour te rappeler d'Allah, tu dois avoir un cœur présent. Méditer sur ce que tu dis, méditer sur ce que tu fais dans cette prière. Et ceci est d'une grande importance. Et je vous invite à écouter, à ce sujet, un cours que j'ai donné l'an passé, intitulé « Comment réussir ta prière », dans lequel j'ai lu de manière résumée une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala à ce sujet. Le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est l'importance du bon comportement envers les animaux. Et on tire cela de la parole de Moussa alayhi salam, qui dit que son bâton lui servait à frapper sur les arbres, sur les branches des arbres, afin d'en faire tomber les feuilles pour que ses moutons puissent se nourrir. Et ceci fait partie de son noble comportement alayhi salatu wassalam. Donc il est nécessaire pour le croyant de savoir que même si les animaux ne peuvent pas être compris, ils méritent tout de même notre bienfaisance. Et il n'est pas permis d'être injuste envers eux en leur causant du tort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela dans de nombreux hadiths. Et il nous suffit comme hadith pour nous montrer le mérite de la bienfaisance envers les animaux, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cet homme qui a vu ce chien assoiffé et qui l'a alors abreuvé, et ceci fut la cause de son entrée au paradis. Les gens de science ont dit que ceci montre le mérite de la bienfaisance envers les animaux, qu'il y a une grande récompense en cela. Cela peut même être une cause du pardon des péchés. Comme dans un autre hadith, on trouve le récit de cette femme, des enfants d'Israël, cette femme de mauvaise mœurs, qui a abreuvé un chien en mettant de l'eau pour lui dans son soulier. Ceci est donc une cause du pardon des péchés également. Et inversement, la malfaisance envers les animaux, c'est une cause du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le trouve dans ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'une femme a enfermé un chat jusqu'à ce qu'il meure. Elle ne l'a pas laissé libre qu'il puisse manger des insectes de la terre, mais elle l'a enfermé jusqu'à ce qu'il meure, le privant de nourriture et de boisson. Et ceci fut la cause de son châtiment et de son entrée en enfer. Wal'iyadu billah. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est en réalité plusieurs enseignements et plusieurs leçons concernant la prédication et la manière de s'y prendre dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici l'importance de la sincérité dans le prêche tout d'abord. C'est-à-dire que lorsque tu appelles quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, ton objectif, ce ne doit pas être la recherche des compliments, la recherche de la célébrité, la recherche d'être suivi par les gens. Mais tu ne dois rechercher à travers cela que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les gens sortent de l'obscurité et de la mécréance à la lumière de l'islam. Qu'ils sortent de l'obscurité des péchés et des innovations à la lumière de l'obéissance à Allah et du suivi de la sunna et ainsi de suite. Non pas que les gens te suivent toi particulièrement, comme on le voit aujourd'hui beaucoup, notamment depuis l'apparition de ces réseaux sociaux, où les gens s'autoproclament prédicateurs et font tout pour être suivi par un maximum de gens, quitte à délaisser le droit chemin à suivre dans la prédication, adopter des méthodes contraires à la voie des messagers, alayhimus salatu wassalam, et ainsi de suite. Leur objectif est d'être suivi, d'avoir le plus d'abonnés possible, d'avoir le plus de suiveurs possible, d'avoir le plus de likes possible, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à la sincérité. Le croyant, il doit être sincère dans toutes ses œuvres de bien. Et parmi ses œuvres, il y a le prêche, qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif, lorsque tu appelles quelqu'un à la vérité, c'est qu'il délaisse le faux et qu'il suive la vérité, non pas qu'il te suive toi. Et ce bénéfice, on le tire d'où? On le tire de la bienfaisance dont a fait preuve Moussa alayhi salam envers son frère. Regardez ici, il invoqua Allah afin qu'il le joigne à lui dans cette mission et qu'il fasse de son frère un prophète et un messager. Pourquoi? Car il craignait que s'il était seul, la vérité ne soit pas acceptée. Il a voulu donc être renforcé par son frère. Et c'est pour cela que certains salaf ont dit « Personne n'a été aussi bienfaisant que Moussa alayhi salam ne le fut envers son frère Haroun, car il a intercédé en sa faveur afin qu'il devienne prophète avec lui, dans le but que la vérité soit acceptée. » Donc on voit également l'importance de tout mettre en œuvre parmi les moyens légiférés pour que les gens acceptent la vérité. Et on voit également cela à travers la demande de Moussa alayhi salam à Allah subhanahu wa ta'ala de dénouer le nœud de sa langue, afin d'être compris. C'est important également, lorsque tu souhaites appeler quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, à la vérité, au chemin de la droiture, de chercher à être compris. Certaines personnes ne prennent pas conscience de cela. Ils parlent parfois aux gens en leur tenant des discours qu'ils n'ont pas les capacités de comprendre, ou en s'adressant à eux en des termes qu'ils ne peuvent pas comprendre, ou d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre, ou sur des sujets qu'ils n'ont pas encore les capacités de comprendre car il leur manque des choses au préalable. Donc il est important de chercher à être compris et de s'adresser aux gens de manière compréhensible et selon leur niveau de compréhension. Également, on voit qu'il est nécessaire de parler aux gens avec douceur. Et ceci est également valable lors du conseil de l'interdiction du blâmable. Regardez ici comment Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa et Haroun de parler à Pharaon avec douceur, de lui parler gentiment, alors que c'est le plus grand tyran qu'ait connu l'humanité. Que dire donc d'un musulman qui parle à son frère ou d'une musulmane qui parle à sa sœur? Il n'y a pas de doute que l'on doit d'autant plus faire preuve de douceur dans cette situation et adresser le conseil gentiment. Car, en faisant ainsi, le bon conseil et la vérité plus à même d'être acceptés. Les gens qui sont durs, les gens qui ont des comportements durs ou qui tiennent des propos durs, bien souvent, Les gens les fuient et n'acceptent pas d'eux, même s'ils ont avec eux la vérité. Donc tu dois prendre garde que ton comportement ne soit pas la cause pour éloigner les gens de la vérité. Mais tu dois faire en sorte d'être aimable avec les gens, afin qu'ils acceptent de toi la vérité que tu leur transmets. Beaucoup de personnes disent, comment faire pour faire accepter la vérité à mes parents, à mes frères et sœurs, et ainsi de suite. Je suis le seul à suivre la sunna, et ils n'acceptent pas de moi. Mais si tu les interroges au sujet du comportement qu'ils ont chez eux, ils ont parfois des mauvais comportements. Ils manquent de respect à leurs parents, ils parlent mal à leurs frères et sœurs, ils sont durs avec eux, et tout ceci les fait fuir. Donc le bon comportement, la douceur, l'amabilité, tout ceci est d'une grande importance dans le prêche. Et j'attire votre attention sur le fait que délaisser la dureté dans un premier temps et parler aux gens avec douceur ne signifie en aucun cas que la dureté est réprouvée en toute situation, car ceci s'oppose à la sagesse. La sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place, d'être doux avec les gens qui ont besoin de douceur et d'être dur envers les gens qui ont besoin de dureté. Et on voit cela à travers une parole de Moussa alayhi salam, lorsque Pharaon s'obstina et dit à Moussa, Inni la adhunnuka ya Moussa mas'hura. Oh Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Moussa alayhi salam lui répondit, Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mazbura. Et moi, ô Pharaon, je pense que tu es perdu. C'est-à-dire que tu es voué au châtiment, à la malédiction, au blâme, à la perte. Et les gens de science ont dit qu'il a ici fait preuve de dureté dans sa parole, une fois que il a vu que la douceur n'était plus profitable avec lui. Donc il ne faut pas penser que la douceur est légiférée en toute situation, ou la dureté en toute situation. Mais la sagesse est de faire preuve de douceur lorsque cela est nécessaire, et faire preuve de dureté lorsque cela est nécessaire. Il n'y a pas de doute que ceci nécessite à la personne d'avoir de la science et d'être instruite en religion pour faire preuve de sagesse et adopter chaque comportement au moment où cela est nécessaire. Également, on voit à travers la parole de Moussa alayhi salam, qui a tenté d'effrayer Pharaon en lui rappelant que celui qui refusait de croire aurait un dur châtiment, qu'il est nécessaire dans le prêche d'essayer d'encourager les gens en leur rappelant les mérites de la foi, les mérites des bonnes œuvres, afin de les encourager à cela, et également leur faire craindre en même temps le châtiment en leur rappelant le châtiment de celui qui délaisse la foi, de celui qui délaisse les bonnes œuvres, et ainsi de suite. Ceci fait partie des moyens de la prédication. Enfin, le sixième bénéfice que l'on va voir aujourd'hui, bien que les bénéfices soient beaucoup plus nombreux que cela, c'est que le croyant doit avoir la certitude que les gens du faux ne peuvent rien faire face à la vérité, si ce n'est les menaces et l'usage de la force. Et ceci doit te conforter sur ta foi et te pousser à faire des efforts pour rester ferme sur cela. Car comme on l'a vu à travers la parole des magiciens, ces épreuves, elles ne sont que temporaires. L'essentiel pour toi est d'agir de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, de rester ferme sur ta foi, et de ne pas faire comme ceux qui tournent avec le vent et délaissent petit à petit les préceptes de leur religion pour satisfaire les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quelles que soient les menaces auxquelles tu fais face, ceci ne doit pas te pousser à délaisser la mise en pratique de ta religion, ou pire encore, à délaisser les fondements essentiels de ta croyance, comme le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses lois passent avant les lois de quiconque parmi les hommes, qui qu'il soit. Ceci fait partie des fondements de notre religion. Et quelles que soient les menaces que le croyant peut subir, il doit rester ferme sur cela. Et comme on l'a dit, agir de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'éloigner de tout ce qui pourrait lui faire encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les péchés, les désobéissances et le laxisme dans sa pratique religieuse. Tu dois rester ferme, et tu as un excellent modèle à suivre à travers le repentir de ces magiciens, qui malgré les menaces sont restés fermes sur la vérité. Et il n'y a pas de doute que les épreuves que l'on peut subir sont bien moindres que ce qu'ils ont subi. Il est rapporté dans un hadith qu'un jour un compagnon, suite aux nombreuses persécutions qu'il subissait à Mecca, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de lui demander d'invoquer en leur faveur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte le secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc exhortés et lui a rappelé que il y avait des gens dans les communautés qui nous ont précédés qui subissaient des persécutions bien plus lourdes, au point que l'un d'entre eux était placé dans un trou que l'on creusait pour lui, puis qu'on découpait son corps en deux à l'aide d'une scie. Ou encore, que certains d'entre eux subissaient comme torture et persécution qu'un peigne de fer était placé sous leur chair, au point de tout y arracher. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Mais ceci ne les détourna pas de leur foi. Ils sont restés fermes sur leur foi malgré ces épreuves. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça le triomphe de cette religion et il dit « Mais vous êtes des gens qui vous vous empressez. » C'est-à-dire vous êtes pressés de voir cette victoire. Vous êtes pressés de voir ce triomphe. Mais ce triomphe et cette victoire, ils viendront si on fait preuve de piété, d'endurance et que nous restons fermes sur notre religion. Mais si nous vendons notre religion pour des biens vils de ce bas monde, alors nous ne serons pas prêts de voir ce triomphe. Ce triomphe, ce n'est pas nous qui le connaîtrons. Car la promesse d'Allah est vérité, la religion, elle triomphera. Peut-être qu'elle triomphera avec nous si nous sommes fermes. Mais si nous ne sommes pas fermes, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. Alors, elle triomphera avec d'autres que nous. La peur, elle n'est donc pas pour la religion d'Allah. La religion d'Allah, elle triomphera, quoi qu'il en soit. Mais la question est de savoir, est-ce que nous la ferons triompher? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur notre religion, de raffermir nos cœurs sur le tawhid et la sunna, de raffermir nos cœurs sur la croyance authentique de l'islam, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.